belle, tu es si belle, couleur de miel. J'écrirai des mots sur ton corps, comme si je te jetais un sort. Poème peint de ta beauté, de toute cette vie qui naît de toi. Femme, tu es muse, tu es passion. Femme, tu es joie, inspiration.